Chapitre 2, sous-chapitre 9 à 10, 2, Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Du grimoire. La sorcellerie a inspiré à plusieurs auteurs ténébreux nombre d'ouvrages parmi lesquels on distingue principalement le grimoire. Personne n'ignore qu'on fait venir le diable en lisant le grimoire. Après la lecture et à l'apparition du démon, il faut avoir soin, dit tout grimoire quelconque, de jeter à la tête de l'être diabolique une savate, un chiffon, autrement on a le cou tordu. Le terrible petit volume, si connu, était autrefois tenu secret et brûlé dès qu'il était saisi. On vendait ce bréviaire satanique à très haut prix. Il était orné de figures et de cercles cabalistiques. On cite entre autres grimoire celui du pape Honorius, avec un recueil des plus rares secrets. Ce grimoire ne renferme dans ses premières 50 pages que des conjurations et des évocations. Dans ce recueil, on trouve le secret qui force 3 demoiselles à venir danser nues dans une chambre. Il faut que tout soit lavé dans cette chambre, qu'on n'y remarque rien d'accroché ni de pendu, qu'on mette sur la table une nappe blanche, 3 pains de froment, 3 sièges, 3 verres d'eau. Puis on se couche et l'on dit « Bestiarum, consolation vient à moi, vertu créant, créant, créant, je chante la louange du Tout-Puissant et je ne meurs pas, je suis maître du parchemin, par ta louange, prince de la montagne, fais taire mes ennemis et ordonne-moi de jouir de ce que tu sais bien. » Après cette conjuration, les 3 personnes qu'on veut voir viennent, se mettent à table, dansent nues et font tout ce qu'on exige. Il vient 3 messieurs si c'est une dame qui convoque, et 3 demoiselles si c'est un monsieur qui opère. On choisit dans ces 3 la personne qui plaît le plus. On l'appelle, elle partage le lit, et même elle révèle des trésors cachés, mais au coup de minuit, tout disparaît. Il y a beaucoup de traits de ce genre dans le même grimoire. On cite encore le grand grimoire avec la grande clavicule de Salomon, du grand Agrippa. Ce volume contient la magie noire et les forces infernales, invention de cet auteur pour découvrir les secrets cachés et soumettre tous les esprits, suivis de tous les arts magiques. L'impression de ces ouvrages se faisait jadis sans nom de date ni de lieu. Voici une anecdote sur le grimoire. Un petit seigneur de village venait d'emprunter à son berger le livre du grimoire, avec lequel celui-ci se vantait de forcer le diable à paraître. Le seigneur, curieux de voir le diable, se retira bien vite dans sa chambre et se mit à lire l'oraison qui oblige l'esprit de ténèbres à se montrer. Au moment qu'il prononçait, avec agitation, les paroles toutes puissantes, la porte, qui était mal fermée, s'ouvre brusquement. Le diable paraît, armé de ses longues cornes et tout couvert de poils noirs. Le curieux seigneur, qui n'avait pas l'esprit fort, n'a pas plus tôt reconnu le prince des enfers qu'il perd connaissance et tombe mourant de peur sur le carreau en faisant le signe de la croix. Il resta assez longtemps dans cette léthargie, sans que personne vînt l'en tirer. Enfin, il revint à lui-même, ouvrit les yeux et se retrouva avec surprise dans sa chambre. Il ne douta pas que si le diable ne lui avait fait aucun mal, il en était redevable au signe de croix qu'il avait eu l'heureuse précaution de faire en tombant. Cependant, il visita les meubles pour voir s'il n'y avait rien de dégradé. Un grand miroir qui était sur une chaise se trouvait brisé, c'était l'œuvre du diable. Malheureusement pour la beauté du comte, on vint dire un instant après à ce pauvre seigneur que son bouc s'était échappé et qu'on l'avait repris devant la porte de cette chambre, où il avait si bien représenté le diable. Il avait vu dans le miroir un bouc semblable à lui et avait brisé la glace en voulant combattre son ombre. Profil diabolique. Le diable change souvent de forme selon le témoignage de quantité de sorcières. Marie Daguerre confessa que le diable sortait en forme de bouc d'une cruche placée au milieu du sabbat. Qu'étant sorti, il devenait si grand qu'il en était épouvantable, et que le sabbat fini, il rentrait dans sa cruche. Françoise, ce crétin, déclara qu'elle s'était donnée au diable lequel avait la forme d'un grand cadavre, et qu'elle l'avait connu charnellement, tantôt sous la forme d'un chat, tantôt sous la forme d'un chien ou d'une poule, etc. D'autres sorcières ont dit que le diable se faisait voir sous les traits d'un grand tronc d'arbre, sans bras et sans pieds, assis dans une chaire, ayant cependant quelque forme de visage humain. Mais on dit plus généralement que c'est un grand bouc ayant deux cornes par devant et deux par derrière, et que celle de devant se rebrousse en haut, et que le plus souvent il n'a que trois cornes, et qu'il a une espèce de lumière dans celle du milieu, laquelle sert à allumer les bougies du sabbat et celle de la messe qu'on y contrefait. On lui voit aussi une espèce de bonnet ou chapeau au-dessus des cornes. Il a devant lui ses parties sexuelles qu'il montre toujours, longues d'une coudée, écailleuses et sinueuses, en forme de serpent, de grosseur médiocre, d'un rouge obscur, etc. Cependant, Boguet prétend que les sorcières de son pays ont déclaré que « le membre du diable n'est guère plus long que le doigt et gros à proportion ». Si bien, observe de l'encre, que les sorcières de la bourre sont mieux servies de Satan que celles de Franche-Comté. Le diable a encore une grande queue au derrière, avec un visage au-dessous, qu'il donne à baiser dans les sabbats. Une sorcière déclara avoir baisé ce visage, qui avait la forme d'un museau de bouc. On a aussi prétendu que le diable se présente souvent sous l'accoutrement d'un grand homme, qui ne veut pas se laisser voir clairement, qu'il est comme flamboyant et qu'il a le visage rouge comme du feu. D'autres disent qu'il a deux visages à la tête comme Janus. De l'encre rapporte que dans les procédures de la tournelle, on l'a représenté comme un grand lévrier noir et parfois comme un grand bœuf d'airain couché à terre. Il n'est point de forme que le diable n'emprunte pour tourmenter l'espèce humaine. Il se changea en masse d'or pour séduire saint Antoine. Sous le règne de Philippe le Bel, il se présenta à un moine sous la forme d'un arbre blanc de gelée, puis sous celle d'un grand homme noir monté sur un cheval, puis un moine, en âne, en roue de carrosse, etc. Souvent il prend la forme d'un dragon. Quelquefois c'est un gueux qui porte les livrées de la misère, dit le Loyer. D'autres fois il abuse de la figure des prophètes, et du temps de Théodose, il prit celle de Moïse pour noyer les Juifs de Candie, qui comptaient sur ses promesses pour traverser la mer à pied sec. Le diable se change aussi en homme pour les femmes et en femme pour les hommes. Les incubes sont pour les femmes et les succubes pour les hommes. Le commentateur de Thomas Walsingham rapporte que le diable sortit du corps d'un diacre schismatique sous la figure d'un nain, et qu'un ivrogne du comté de Warwick fut longtemps poursuivi par un esprit malin déguisé en grenouille. Le Loyer cite quelque part un démon qui se montra à Laon sous la figure d'une mouche ordinaire. De tous les diables qui tentèrent saint Antoine, les plus apparents s'approchaient de lui avec toute la grâce des plus belles femmes, ou sous les formes les plus riches et les plus séduisantes. Il en vit un se transformer plusieurs fois en lingot. Un démon se présenta un jour devant saint François sous la figure d'une bourse pleine, laquelle bourse se métamorphosa en couleuvre quand on voulut la ramasser. Un religieux assez simple, étant à l'article de la mort, ne cessait de regarder le ciel de son lit. On lui demanda ce qui l'occupait. Il répondit qu'il voyait au-dessus de sa tête le Saint-Esprit sous la figure d'un pigeon blanc, et le diable sous l'habit d'un chat noir, qui guettait la sainte colombe. Heureusement, le pigeon blanc s'alla poser sur un crucifix et mit le chat noir en défaut. Pierre le Vénérable raconte que le diable entra un jour dans un monastère de l'ordre de Cluny, sous la forme d'un vautour. Un moine, qui dormait pour digérer son dîner, frappa les yeux du démon. Il s'en approcha doucement, saisit une grande hache qui se trouvait là et se disposa à couper le pied droit du religieux, qui dépassait le bois de son lit. Le moine eut le bonheur de s'éveiller sur l'entrefaite et vit en l'air au-dessus de son pied un vautour armé d'une hache. Quoiqu'un pareil phénomène soit assez curieux, le dormeur éveillé n'y trouva rien de plaisant et se hâta de faire le signe de la croix. Là-dessus, le vautour mit bas les armes et s'en alla comme il était venu. Une dame mondaine, qui prenait plus de soin de parer son corps que d'orner son âme, fut vu par un saint prêtre escorté de démons déguisés en blaireaux et en marmots, lesquels démons étaient en outre montés par d'autres esprits malins, transformés en singes qui riaient de la bouche. Saint Dominique, voulant convertir des dames hérétiques, leur fit voir le diable pour les détourner du service d'un si vilain maître. C'était dans une église. Aussitôt qu'il eut commandé à l'ange apostat de paraître, on vit tomber de la voûte un horrible chat noir qui ressemblait à un chien. Il avait de grands yeux enflammés, une langue longue, large, rouge et pendante, un postérieur extrêmement laid qu'il montrait continuellement en faisant des cabrioles. Après avoir sauté quelque temps devant les dames, il saisit la corde de la cloche et remonta dans le grenier de l'église avec la légèreté d'un singe. Comme il laissait derrière lui une mauvaise odeur de grillade, les dames se convertirent en se serrant le nez. Quand le diable se montre aux Indiens, il le fait toujours avec quelque noblesse, et il est facile de le voir pour tous les gens du pays. Il ne faut pour cela que l'en prier pendant 2 ou 3 jours et lui faire un petit sacrifice. Alors il paraît sous la figure qu'on l'invite de prendre, resplendissant d'or et de pierres précieuses, accompagné d'une belle cour, entouré d'un grand nombre de jeunes filles séduisantes, escorté de plusieurs régiments de cavalerie et d'une troupe innombrable d'éléphants richement ornés. Il offre aux malheureux tout ce qu'ils désirent, recommande l'aumône et ordonne aux Indiens aux plus longs de donner des festins aux misérables. Ces figures diverses que prennent les démons pour se faire voir aux hommes sont multipliées à l'infini. On remarquera que quand ils apparaissent avec un corps d'homme, ce qui est assez ordinaire, on les reconnaît aisément à leurs pieds de bouc ou de canard, à leurs griffes et à leurs cornes, qu'ils peuvent bien cacher en partie, mais qu'ils ne déposent jamais entièrement. Césarius d'Esterbach ajoute à ce signalement qu'en prenant la forme humaine, le diable n'a ni dos, ni derrière, ni fesse, de sorte qu'il se garde bien de montrer ses talons. Miracule, lib. 3. Les Européens représentent ordinairement le diable avec un teint noir et brûlé. Les nègres soutiennent au contraire que le diable a la peau blanche. Un officier français se trouvant au XVIIe siècle dans le royaume d'Ardra en Afrique alla faire une visite au chef des prêtres du pays. Il aperçut dans la chambre du pontife une grande poupée blanche et demanda ce qu'elle représentait. On lui répondit que c'était le diable. « Vous vous trompez, dit-il bonnement, le diable est noir. »« C'est vous qui êtes dans l'erreur, » répliqua le vieux prêtre. « Vous ne pouvez pas savoir aussi bien que moi quelle est la couleur du diable. Je le vois tous les jours, et je vous assure qu'il est blanc comme vous. » C'est sans doute ici le lieu de rapporter le portrait du diable attribué à Piron, quoique ce morceau soit généralement connu. Le diable n'y est pas flatté. Il a la peau d'un roux qui brûle, le front cornu, le nez fait comme une virgule, le pied crochu, le fuseau d'enfilé Hercule, noir et tordu, et pour comble de ridicule, la queue au cul. Dans le 12e siècle, on portait en France des vêtements assez bizarres, mais qui prouvaient en quelque sorte un esprit plus riant. Une haine moins brutale contre les démons que dans les siècles précédents et postérieurs. On se plaisait à se vêtir d'étoffes plissées sur lesquelles on voyait des figures grotesques et de petits diables de toutes formes, de toutes couleurs, avec des visages enjoués. Les femmes avaient des robes fort longues qui se terminaient en queue de serpent. Le concile qui se tint à Montpellier en 1195, trouvant que ces modes insolentes tournaient en ridicule des objets redoutables, défendit sévèrement ces sortes de parures. On pensera sans doute que ces défenses étaient maladroites, puisque la légèreté française suffisait pour changer la mode, et que le décret du concile ne fit qu'en prolonger la durée. Un fermier de la Champagne, qui se nommait Jean Mulin, vivait heureux et paisible du produit de sa ferme, qu'il cultivait avec sa femme et ses enfants. Mais celui-là est bien fou qui se fie à la fortune. Le tonnerre tomba sur la ferme et la brûla. Tout le blé qui se trouvait dans les greniers fut réduit en cendres, et Jean Mulin était ruiné sans ressources. S'il n'avait eu, par bonheur, une petite somme d'argent amassée avec soin dans les années heureuses, il se désola sans se désespérer, et il s'occupa bientôt de faire rebâtir sa ferme. Quand la maison fut achevée, il s'aperçut que ses fonds étaient extrêmement baissés et craignit de ne pouvoir terminer son entreprise. Il fit pourtant encore ses étables et commença sa grange, mais l'argent lui manqua tout à coup. Il alla trouver ses amis et ses parents qui ne purent l'aider en rien, de façon qu'il se trouva fort embarrassé. La moisson approchait et il fallait absolument trouver moyen de mettre à l'abri des récoltes qui avaient coûté un an de peine et de travaux. Sa ferme était isolée, il ne pouvait recourir aux granges des voisins. Un soir, qu'il se promenait sur un chemin croisé, à 200 pas de sa maison, rêvant à la situation gênante où il se trouvait, il vit venir à lui un homme de moyenne taille, vêtu de noir, coiffé d'un chapeau galonné, les pieds difformes et emboîtés dans des espèces de bottines, et les mains couvertes de gants rouges. Cet homme, s'approchant de Jean Mulin, lui demanda le sujet des soucis qui paraissaient l'inquiéter. Le fermier lui conta sa peine, et l'inconnu lui dit qu'il pouvait en sortir s'il voulait se fier à lui. « J'ai une puissance surnaturelle, continua-t-il, et ta grange sera finie avant le chant du coq, si tu consens à me livrer l'enfant que ta femme porte dans son sein. » Jean Mulin fit le signe de la croix. Aussitôt l'homme noir disparut en grommelant, et le fermier fut convaincu qu'il venait d'avoir la visite du diable. Il se réjouit de le voir partir, regagna sa maison, tout tremblant, ne dit rien à sa femme de ce qui venait de lui arriver, mais jura bien dans son âme de ne jamais faire de marché avec un pareil maître. Cependant, la moisson était proche et point de grange. Le fermier ne savait à quoi se résoudre. Il se rappelait souvent l'offre du diable, dont il rejetait la pensée avec horreur. Après tout, se dit-il un jour, si je pouvais le revoir et qu'il voulût mettre d'autres conditions, ses réflexions devinrent plus sérieuses et plus amères quand ce fut au mois de juillet et qu'il fallut songer à placer les récoltes. En se promenant, il retourna machinalement au lieu où le diable lui avait apparu la première fois. Il était presque nuit. Il entendit un léger bruit, se retourna et vit l'homme noir. « Eh bien, lui dit celui-ci, es-tu décidé ? Tu as 5 enfants, que feras-tu du 6e ? Si les autres et leur mère meurent de faim, que crains-tu d'ailleurs en me le confiant? J'en prendrai soin et tu seras riche. » Jean Mulin voulut faire des représentations. Mais le diable lui tint de si beaux discours sur l'état de ses affaires qu'il finit par le séduire. Et le malheureux père signa de son sang un pacte par lequel il promettait de livrer son enfant, aussitôt qu'il serait né, au porteur du billet, qui s'obligeait de son côté à lui achever sa grange dans la nuit même, et à la lui laisser bien construite avant le chant du coq. Après cela, Jean Mulin retourna pensif à l'affaire. Il ne soupa point, et quand tout le monde fut couché, il sortit dans sa cour pour examiner ce qui s'y passait. Il la trouva pleine de démons qui apportaient des poutres, de la paille, des planches, du mortier et qui travaillaient en silence avec une ardeur incroyable. Leurs visages couleur de feu, leurs doigts crochus, leurs pieds de canard, les cornes qu'ils portaient au front et la queue qui leur frétillait au derrière lui firent aisément reconnaître les habitants de l'empire infernal. Leur chef, d'une taille monstrueuse, les pressait à la besogne. Il le reconnut à sa voix pour le porteur de son engagement, mais qu'il était alors différent de la forme sous laquelle il l'avait vu d'abord. Tout son corps, de couleur noire, mêlé de taches de feu, ses pieds semblables à des têtes de serpents, ses jambes torses et velues, sa longue queue sans cesse en mouvement et servant de fouet pour exciter les diables paresseux, ses griffes pointues, son estomac bossu, sa barbe de bouc, sa gueule énorme armée de dents tranchantes, ses yeux brillants comme 2 cierges, ses oreilles d'âne et ses 3 cornes le rendaient l'objet le plus épouvantable qui se pût voir. Mulin, glacé d'effroi, réfléchit douloureusement au sort qui attendait sa progéniture. Ses entrailles paternelles s'émurent, et il sortit, résolu d'aller tout conter au curé du village qui se moquait, dit-on, du diable et de ses cornes. Comme l'ouvrage avançait prodigieusement, Jean Mulin se hâta et arriva au presbytère. Il heurta vivement à la porte du bon curé, qui, le voyant tout en nage, crut qu'il venait demander l'extrême onction pour sa femme. Mais quand il sut de quoi il s'agissait, il s'habilla à la hâte et courut à la ferme. Jean Mulin tressaillit en voyant la grange élevée, et tous les diables occupés à la couvrir avec une rapidité effrayante. Le curé, sans perdre un instant, alla droit à la porte du poulailler, la secoua fortement. Le coq éveillé chanta, et toute la bande infernale disparut en hurlant. Hélas, une minute plus tard, il n'y avait plus de ressources, car il ne restait, pour que la grange fût parfaite, qu'un trou de 2 pieds à couvrir. Le fermier ne sut comment témoigner sa joie et sa reconnaissance au bon curé, qui retourna à son lit, et le jour ne tarda pas à paraître. Tout le monde s'étonna quand on vit la grange. Jean Mulin raconta son aventure. On l'admira. Plusieurs voulurent faire un pareil marché avec le diable, mais il ne parut point. On fit la moisson, on rentra les grains, et la grange servit à merveille. Quant au trou que les diables n'avaient pu boucher, on s'efforça vainement de le faire. Tout ce qu'on y mettait le jour était ôté la nuit. Et cette grange se voyait encore il y a 30 ans, à quelques lieues de Cézanne, en bris, avec son imperfection irréparable. Cependant, le terme de la grossesse de Catherine arriva. Elle souffrit des douleurs effroyables et mourut en donnant le jour à une petite fille qu'on se hâta de baptiser. Mulin, inconsolable de la perte de sa femme, la pleura longtemps et mit la fille en nourrice. L'enfant, quoique très faible, paraissait jouir d'une assez bonne santé, mais elle tarissait au bout de 7 jours toutes les femmes qui lui donnaient le sein, de sorte qu'on fut obligé de la sèvrer. Son père la confia alors à sa sœur, qui demeurait dans un faubourg de Cézanne, et qui promit d'en avoir le plus grand soin. L'année qui suivit cette naissance se passa sans qu'il arrivât rien de remarquable, si ce n'est que le jour anniversaire de l'élévation de la grange. À l'heure où les diables avaient été mis en déroute, on entendit autour de la ferme, et principalement sur la grange, un bruit effroyable, mêlé de hurlements et d'éclats de tonnerre. Et les voisins assurèrent y avoir vu voltiger des monstres d'une forme hideuse et inconnue, ayant des ailes de chauve-souris et des queues fourchues, avec des cornes rouges sur la tête. Ce vacarme et ces visions se renouvelèrent tous les ans, le même jour, jusqu'à la mort de la jeune fille, qu'on avait nommée Antoinette. Quand elle eut atteint l'âge de 15 ans, elle était bien développée et devenait jolie. Son père se décida à la marier de bonne heure, pour se délivrer de toutes les craintes que lui donnait encore le diable. Il n'était pas embarrassé de lui trouver un époux. Plusieurs jeunes gens avaient déjà demandé sa main, mais le cœur d'Antoinette n'avait pas encore parlé. Une nuit, qu'elle s'était couchée en songeant à faire un choix, elle eut un songe où il lui sembla voir un jeune homme galamment habillé et plus aimable que tout ce qu'elle avait jamais connu. Son regard amoureux et languissant lui causa une douce impression. Il lui prit la main, la baisa, elle lui demanda qui il était. « Votre esclave, répondit-il, et je mourrai si vous me repoussez. » Antoinette, un peu remise de sa surprise, et ne voulant pas causer la mort de celui qu'elle aimait déjà, ne lui répondit pourtant point, mais lui demanda comment il était entré. « Que vous importe, dit l'amant, qu'il vous suffise de savoir que je vous adorerai toujours. » Il lui dit ensuite des choses tendres auxquelles elle n'était pas accoutumée, lui fit 1000 protestations d'amour et arracha d'elle la promesse de l'aimer uniquement. Elle lui ordonna alors de se retirer et il sortit par la fenêtre. Antoinette se leva, voulut le suivre des yeux, mais elle ne vit plus rien. Elle resta pensive, livrée à ses réflexions, en proie à un feu qu'elle sentait pour la première fois et qui croissait de minute en minute. Elle se recoucha ensuite, mais le sommeil n'approcha plus de ses yeux. Elle passa la journée suivante silencieuse, triste, et ne se reconnaissait plus. Elle ne dit rien du jeune homme, apparemment qu'il lui avait recommandé d'être discrète ou, s'il ne l'avait pas fait, c'est qu'il jugeait cette précaution inutile, d'après la conduite qu'il avait tenue avec elle. Il revint la nuit suivante, se montra plus tendre encore, et ce manège dura 8 jours, sans qu'Antoinette sût le nom de son amant. Son amour n'en était pas moins devenu terrible, elle perdait le repos, ne mangeait presque point et tressaillait à tout instant. Tout le monde s'en aperçut, et selon la coutume, chacun de ses prétendants se flatta en secret d'avoir inspiré cette passion. La neuvième nuit, l'amant inconnu ne manqua pas de paraître aussitôt que minuit sonna. Il s'approcha du lit d'Antoinette, qui ne dormait point. Elle le vit avec transport, et il lui fit répéter le serment de l'aimer toujours. Ensuite, il lui en demanda le plus précieux gage. Antoinette ne le comprit point, et le jeune homme, après l'avoir enivré de baisers, profita d'un moment de faiblesse et lui ravit cette fleur qu'on ne peut cueillir qu'une fois. Antoinette, revenue de son égarement, eut honte d'elle-même et voulut repousser son séducteur, mais il la consola si tendrement qu'elle s'oublia une seconde fois. Ils passèrent la nuit dans les plaisirs les plus doux. L'amant se retira avant l'aurore. La jeune fille ne put encore voir ce qu'il était devenu. Elle se leva bientôt, agitée, interdite, et s'enferma tout le jour dans sa chambre pour méditer à son aise, soupirant après le retour de la nuit. Elle vint enfin cette nuit qui devait se passer bien différemment de la précédente. Antoinette se coucha de bonne heure, et comme minuit sonna, elle écouta si elle n'entendait point venir son amant. Rien ne parut. Mais, vers 2 heures du matin, elle ouït un bruit lointain et effrayant. Sa fenêtre s'ébranla bientôt, et elle vit entrer un spectre horrible, sanglant, portant une torche à la main, une barbe épaisse, des cheveux roux et velus par tout le corps. Un frissonnement subit la saisit, et elle allait pousser un cri d'effroi, quand le monstre accourant lui mit une griffe glacée sur la bouche et lui fit signe de se taire. Il se pencha ensuite sur son estomac, s'assit au bord du lit et la contempla avec des yeux dévorants. La pauvre fille était mourante. Le spectre se leva enfin après une demi-heure d'un silence épouvantable. Il lui dit, en lui prenant la main, « Tu es à moi, pour toujours. Tu m'en as fait le serment. » Et aussitôt il s'évanouit, laissant dans la chambre une odeur empoisonnée et dans le cœur de la malheureuse Antoinette toutes les frayeurs de l'enfer. Lorsqu'elle eut recouvré quelque force, elle cria au secours. Sa tante accourut, et, la voyant dans un état si affreux, elle lui demanda pourquoi elle l'appelait. Antoinette lui conta ce qu'elle venait de voir et d'entendre, sans lui confier ce qui avait précédé. De façon que sa tante, qui faisait l'esprit fort, la traita de visionnaire et s'alla recoucher. On se figure aisément comment la jeune fille passa les heures qui suivirent. Et quand il fut jour, on alla voir si ses frayeurs étaient dissipées, et on la trouva malade à la mort. On fit venir un prêtre qui la rassura et parvint à rendre quelque calme à son esprit. La tante promit de passer la nuit avec elle, et la passa en effet. Elle se moquait des terreurs qu'éprouvait sa tremblante nièce quand l'horloge de la paroisse sonna 2 heures. La fenêtre s'ouvrit avec fracas et le spectre parut, comme la veille. Antoinette poussa un cri, et sa tante tomba évanouie sur le plancher. Le fantôme s'accroupit sur le lit, prit la main de la jeune fille, la regarda avec des yeux enflammés, et lui dit, de même que la nuit précédente, « Tu es à moi, pour toujours, tu m'en as fait le serment. » Après quoi il disparut. Quand la tante revint à elle, elle appela son mari à grands cris, lui dit que sa nièce ne s'était point trompée, que le diable venait réellement la visiter, qu'elle l'avait vue de ses propres yeux, et qu'il fallait avertir le curé de la paroisse pour qu'il l'exorcisât la nuit prochaine. Le curé vint en effet, accompagné d'un vicaire, et il fut décidé qu'il passerait la nuit dans la chambre d'Antoinette, avec son oncle et 2 de ses cousins. Ils y entrèrent tous les 5 avant 10 heures, se postèrent sur des chaises, et le curé, qui tenait son bréviaire à la main et son bénitier entre ses jambes, déclara fermement qu'il ne désemparerait de là qu'après en avoir expulsé l'ennemi de Dieu et des hommes. Malgré ses bonnes dispositions, il était à peine 11 heures, qu'ils étaient tous endormis, aussi bien que la pauvre Antoinette, à qui cela n'était pas arrivé depuis longtemps, sans qu'on ait su depuis si ce sommeil était naturel ou un ouvrage de Satan. Mais la jeune fille fut éveillée à minuit par son tendre amant, qu'elle croyait n'avoir point vu pendant les 2 nuits affreuses, et dont l'absence commençait à l'inquiéter. Elle aurait pu soupçonner le vrai de la chose, si elle eût été plus instruite des ruses du diable. Elle le revit avec plaisir, et son retour sembla dissiper toutes ses craintes, soit qu'il lui eût donné des forces surnaturelles, ou que l'amour soit assez puissant pour effacer le sentiment des autres passions. Il se montra plus amoureux que jamais, s'excusa de n'être point venu durant deux nuits pour certains devoirs indispensables qu'il avait été obligé de remplir. Antoinette le crut, et elle allait peut-être s'abandonner encore sans songer à ceux qui l'entouraient. Quand le curé s'éveilla en sursaut, il s'étonna de sa distraction, se frotta les yeux et vit auprès de la jeune fille non un amant beau, aimable, bien fait, mais un ange de ténèbres qu'il avait déjà exorcisé deux ou trois fois. Il recula, saisi d'horreur, et réveilla ses compagnons. Tous frissonnèrent à la vue du diable et poussèrent des cris d'alarme. Antoinette interdite ne possédait plus le pouvoir de parler. Quand le prêtre jeta au nez de son amant une aspersion d'eau bénite, l'illusion s'évanouit aussitôt et reconnut dans l'être séduisant à qui elle s'était livrée le spectre qui l'avait tant épouvanté pendant deux nuits. En même temps, le curé le conjura, au nom du Dieu vivant, de dire ce qu'il demandait, et répondit d'une voix terrible qu'il était maître de cette fille, que son père la lui avait promise, qu'elle s'était donnée à lui et qu'il était son époux. « Elle est à moi pour toujours, » continua-t-il, « j'en ai reçu le serment. » Il proféra ensuite des blasphèmes exécrables et voulut emporter sa victime. Mais le prêtre l'en empêcha à force d'oraison et d'eau bénite. Il l'obligea à se retirer seul. Il ne l'eut pas plus tout fait qu'Antoinette tomba dans des convulsions affreuses, se renversa les yeux et les membres, et le curé dit qu'elle était possédée, ce qui fit dresser les cheveux à l'oncle et aux deux cousins qui s'enfuirent. Le curé, resté seul avec son vicaire, fit tant de conjurations qu'il força le diable à se remontrer. Il lui ordonna de lâcher prise, mais le démon intrépide répondit qu'il avait le droit de prendre possession de son bien et déclara fortement que rien n'était capable de l'en empêcher. Le curé sentit bien que toute résistance devenait inutile. C'est pourquoi il eut recours à un autre moyen. Adressant donc la parole à son ennemi d'un ton moins impérieux, il lui représenta qu'il avait agi avec fraude, qu'il n'était époux d'Antoinette que par surprise, que la surprise était condamnée par les lois divines et humaines, et que néanmoins on ne le tourmenterait pas plus longtemps s'il consentait seulement à différer un peu son enlèvement, qu'on ne lui demandait que de laisser Antoinette en paix pour faire au moins ses adieux jusqu'à ce que la bougie qui était allumée dans la chambre fût consumée. Le diable, après un moment de silence, consentit à ce dont on le priait, et le curé triomphant éteignit la bougie, l'enveloppa dans trois serviettes et la plongea dans l'eau bénite. Le démon stupéfait fut obligé de se retirer en hurlant plein de rage. L'agitation horrible d'Antoinette se dissipa et elle tomba bientôt abattue dans un sommeil profond. Le curé retourna à son logis, enferma la précieuse chandelle dans une armoire dont il portait la clé, qu'il eut soin de bénir pour que le diable ne pût y mettre la griffe. Et Antoinette ne vit plus rien, mais elle était devenue enceinte des œuvres de Satan. Et au bout de 6 mois de grossesse, elle ressentit les douleurs qui accompagnent l'enfantement. Elle accoucha bientôt, non sans des mots inexprimables, d'un petit monstre hideux qui avait de la laine rousse par tout le corps, un bec de canard et 2 oreilles de hibou. On l'étouffa en naissant. 3 ans après, il arriva à Cézanne un jeune homme qui vit Antoinette et en devint épris. Sa pâleur, la mélancolie qui la dévorait, son aventure qu'on lui conta, les frayeurs que ses amis s'efforcèrent de lui inspirer, rien ne put le dégoûter d'elle. Il parvint à s'en faire aimer, demanda sa main et l'obtint. Ils vécurent assez longtemps ensemble, sinon heureux, du moins tranquilles. Mais Antoinette n'eut point d'enfant, et sa race est éteinte sur la terre. On assure aussi que lorsqu'elle mourut, le diable fit de nouveau et vint et fort pour s'emparer d'elle. Il fut encore obligé de s'en retourner avec un pied de nez, parce qu'on avait eu soin de donner à la défunte un bon passeport pour l'autre monde. Fin du chapitre 2, sous-chapitre 9 à 10, enregistré par Yasmine.